Parle à Dieu, l'occasion la bas, d'où ma pièce n'arrête. Panche tu piara pionne, d'où paraît si légère, l'aïe me mouine n'est ce, ou moué n'est n'aïe, j'en y a ma vie. N'est si. Like them at me.